pas promis. Le fil de rien, mais tu l'as coupé. Tu m'as promis les noms des Mozart, pas des blagues cassées. Tu m'as promis d'être de rien, tu poussais ta malée. Me. Thank you. hours lying around. We are lost and found, but love is gonna save us. Shadows walking in the crowd. We are lost and found, but love is gonna save us. me.